Bonjour, je m'appelle Jean-François, voici l'émission numéro 13 sur le Terminus. Au cours de cette émission, vous pourrez entendre du Arctic Monkeys, ils dansent avec les genoux, et aussi une sélection de chansons en espagnol. Je vous parlerai aussi du Festival des Francopholies qui a lieu ces jours-ci à Montréal. Cette semaine, j'étais au spectacle « surprise » en guillemets donné par Arcade Fire à Longueuil sur la rive sud de Montréal, sans publicité autre que celle faite par les grands médias. L'événement gratuit a quand même réussi à attirer environ 10 000 personnes dans le stationnement d'un centre commercial. Il faut quand même le faire. Arcade Fire a donc joué quelques nouvelles chansons, dont « Month of May » qui figure sur leur troisième album à paraître quelque part au mois d'août. Avant Month of May, on va entendre Parlour, qui sonne comme d'autres groupes de Montréal, comme Wolf Parade ou Arcade Fire, justement. De leur premier album paru en 2008, mais réédité en mars dernier, on va entendre la pièce Arkai et May Tabelle. Mais on commence le bloc tout de suite avec les Écossais de The Phantom Band, qui mélangent rock et électro sur leur dernier album Checkmate Savage, sorti en 2009. Voici The Phantom Band et Left and Wave. On poursuit avec un bloc de chansons rock complètement en espagnol. Le premier groupe s'appelle Triángulo de Amor Bizarro et est originaire du nord de l'Espagne. Ils ont sorti leur troisième album, Año Santo, au mois de mai dernier. J'ai choisi la chanson que j'ai en tête depuis les deux dernières semaines, question peut-être qu'elle sorte. Ça s'appelle De la Monarquía a la Criptocracia. Ça va être suivi de Nueva Volcano, qui sont eux de Barcelone, de l'album principal Primera. On attendra Urgencias. Finalement, les trois groupes sont d'Espagne, puisque le troisième, Nudo Zurdo, sont quant à eux de la capitale du pays, Madrid. De l'album Sintetica, une chanson planante qui s'appelle Mil Espejos. On débute donc avec le shoegaze de Triangulo de Amor Pizarro sur le Terminus. Yeah. de comer. Dime que estoy muerto, que no nos pueden ver. Haz ruido en mi alma, déjate vencer. Ahora hay nieve en tus manos y en tu voz ya no hay dolor. Y aunque estés muy equivocada y aunque tú ya no estés, en mi cuerpo hay mil espejos donde yo, por donde yo te puedo ver. Yo te puedo ver. Imposible de explicar cuando tus ojos preguntaban este amor. ¿Dónde queríamos estar? Estamos. ¿Dónde queríamos estar? Estamos. ¿Dónde queríamos estar? Estamos. Traditionnellement, un des derniers festivals de l'été à Montréal, les Francopholies ont lieu cette année du 10 au 19 juin. On se rappelle que ce changement de date n'a pas fait l'affaire des organisateurs du Festival d'été de Québec et ça a donné lieu à un festival justement d'insultes entre le maire Labeaume et le maire Tremblay via les journaux l'été passé. Au final, la programmation de cette année est quand même intéressante. Quoique pas mal tout le monde s'entend pour dire qu'il faut se tourner vers les spectacles extérieurs pour faire des découvertes. D'autant plus intéressant que ces spectacles-là sont gratuits. Sur le site de l'émission, vous pouvez lire mes commentaires sur le spectacle d'adieu de WD40 qui était pas mal excellent. Sinon, dans les perfos extérieurs, dans les prochains jours, je vais probablement me pointer au spectacle de Yesterday's Ring en français pour une rare fois. Mais aussi, entre autres, Emily Proulx, Patrick et les Brutes, Polype, Les Chiens et Xavier Caféine ont attiré mon attention dans la programmation. On a de la suite dans les idées puisque le prochain bloc sera entièrement francophone avec le projet « Ils dansent avec les genoux » dont le mini-album « La Grande Chef » est disponible à l'oblique à Montréal. Il y aura aussi le défunt groupe Chocolat, dont le chanteur Jimmy Hunt a recommencé à se produire en solo. On va aussi pouvoir le voir au Franco, jeudi le 17 juin. D'un EP paru en 2007, on va entendre la pièce « Le monde est vert » de Chocolat. Mais on remonte tout de suite à l'an 2000, tiré de l'album « État d'âne ». Voici Urbain Desbois avec « L'amour dur ». On mange, on rit, on est bien, on fout, on mange. Yeah. Comme d'habitude, ce fut un grand plaisir de préparer et de vous présenter cette émission. Suivez le terminus.ca pour mes comptes rendus des spectacles auxquels je vais assister pendant les francopholies. Vous pouvez aussi m'écrire au info@leterminus.ca. On va conclure cette émission avec une pièce qui rock et une autre qui rock un peu moins. On commence donc avec les Arctic Monkeys avec When the Sun Goes Down, qui est sur leur premier album sorti en 2006. Et terminons avec l'indie pop du groupe Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Ils sont du Missouri et viennent de rendre disponible sur Internet un premier extrait de leur nouvel album à paraître bientôt. Ça s'appelle Let It Sway. On se quitte donc là-dessus. À bientôt. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what his story might be. What his story might be. Yeah, 'cause they said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down. Around here. Comes a Fort Monteo. Isn't he Mr. Inconspicuous? And he don't even have to say oh. She's in a stance ready to get picked up. Bet she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye. Because she must be fucking freezing. Scantily clad beneath the clear night sky. Dust up in the winter knowing. They said it changes when the sun goes down. Yeah, they said it changes when the sun goes down. And they said it changes when the sun goes down around here. They said it changes when the sun goes down. Over the river going out of town. And they said it changes when the sun goes down around here. Around here. Oh. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. She got a little sway from my camera.